Chapitre 14e, 7e jour. La fatigue est encore là, dans les yeux, dans le crâne, dans les épaules et les jambes. Il y a l'heure. Le réveil l'a dit. Pourquoi a-t-il raison, ce réveil? Quelle drôle de convention! Pourquoi cette machine dicte notre conduite? C'était peut-être mieux avant, quand c'était le soleil. De toute façon, il faut se lever. Encore 5 minutes. Si je ne l'arrête pas, il recommence à sarabande après 8 minutes. La nuit a été courte, peuplée de rêves, même si ce n'était pas des rêves de Marie. Marie, c'est les rêves de jour. Les rêves de nuit sont des mystères. Mais aujourd'hui, enfin, ce ne sera pas qu'un rêve. Martin discutait avec Christian. Christophe les observa un moment avant d'aller les rejoindre, ses deux amis, ses points d'accroche au monde hors Marie. « Bonjour. »« Salut, Christophe. » « Tu es fatigué, inspecteur ?» dit Christian. « Arrête ton char. Aujourd'hui, c'est le jour de Marie. » ironisa Martin. « Un bon café et tu iras mieux. »« Merci. C'est vrai, je suis crevé. Mais c'est de la bonne fatigue. » « Le petit déjeuner de monsieur l'inspecteur. » « Monsieur l'inspecteur me dira-t-il ce qui se passe ?»« Plus tard. On en reparlera plus tard. » « Et Chantal, tu l'as tenue au courant ?» demanda Martin dans un clin d'œil. « J'espère qu'elle s'intéresse à moi plutôt qu'à l'affaire, mais je n'en suis pas sûr. »« Moi aussi, mais tu as une belle occasion de l'éblouir avec tes exploits. »« Tu ne crois pas que je peux l'éblouir autrement, Martin ?»« Vous parlez de qui ? D'une copine de Christophe ? Une vraie ? En chair et en os ? Qu'on peut voir ? Merde, il y a de l'espoir alors !» conclut le barman, heureux de la nouvelle et un brin moqueur. Christophe expliqua dans les grandes lignes au barman où en était l'enquête sans citer de nom pour rester discret, et promit de tout lui raconter dans les détails dès qu'il le pourrait. Au rapport, Bégé, soulagé, et Graziani, de bonne humeur, attendaient les deux inspecteurs. « Félicitations, messieurs !» lança Bégé. « Merci, chef » répondirent-ils en chœur. « Ce n'est pas fini. Marceau est en fuite. Il n'a pas remis les pieds dans son immeuble depuis hier. » balança Graziani, histoire de remettre les pendules à l'heure. « On a la preuve qu'il a payé une dette de jeu de 40 000 euros à Foldano. » « Confirmes-tu, Christophe, qu'il a soustrait 150 000 euros à la victime ?»« Je suppose. » »« C'est la somme que Denise Doulade a retirée de son compte. »« Il a encore de quoi s'évaporer dans la nature, » avança Martin. « Beau travail, les gars. Je vais pouvoir profiter de la graisse. À partir de maintenant, Graziani prend les affaires en main. Je suis en vacances, mais pressé d'entendre la fin. » Ils se retrouvèrent dans le bureau de Graziani. Nous avons vérifié les billets remis à Foldano par Marceau. Plusieurs portaient les mêmes numéros que ceux copiés sur les cahiers du gamin. Rien ne prouve qu'il l'ait tué. Rien ne prouve qu'il l'ait volé. Denise aurait pu lui donner cet argent, suggéra Christophe. Il devait cet argent depuis au moins 2 mois. Pourquoi le lui aurait-elle donné maintenant? Je ne crois pas ce genre de coïncidence, fit remarquer Graziani. Et pourquoi pas maintenant? Avança Martin, comme pour le contredire. Il eut droit, en retour, au regard noir du chef intérimaire qui décrocha son téléphone pour leur signifier que l'entretien était terminé. L'avion de Jean-Marc arrivait vers 15 heures. Ils avaient le temps de rédiger les procès-verbaux et la paperasse habituelle. « Martin, tu féliciteras Marie Solange. »« Tu le feras toi-même, elle va venir avec nous. »« Tu as conclu avec elle ?»« Non. »« Elle a changé d'avis ?»« Je ne sais pas. » Christophe le regarda à l'air amusé. « Ça a l'air sérieux alors ?»« Peut-être. Quand je t'ai vu avec Chantal, ça m'a fait une sorte de choc. » Je me suis dit qu'il fallait que j'essaie de rester avec une femme. Je suis mal placé pour te conseiller. Je pense souvent à elle. Oui, souvent, dit Martin, absorbé par la rédaction d'un rapport. C'est justement parce que tu ne l'as pas encore séduite. Moi, je n'ai pas pensé à Marie depuis ce matin. Notre vie est bouleversée par cette enquête. J'ai aussi cette impression. Aurions-nous récupéré un morceau de la zone de bonheur de Denise? Moi aussi, tu veux dire? Pourquoi pas, Martin? Tu vas peut-être rentrer dans le schéma toi aussi, éviter les extrêmes et rester pépère à l'intérieur des bandes. Alors c'est valable aussi pour toi et Chantal? Si je franchis le pas, ce sera le cas, mais bon, ce n'est pas l'ordre du jour. Ils laissèrent tomber leurs écritures. Tu y penses? Pas spécialement, surtout aujourd'hui, ou alors la nuit dans mes rêves. C'est étrange, depuis le début de l'enquête, j'ai l'impression que les nuits me portent conseil. Ton subconscient, c'est connu, Christophe. Tu crois que la meilleure part de la zone de bonheur de Denise, ce sera pour toi ou pour moi? Pour nous deux. Elle était suffisamment large pour deux. Elle abritait du monde, même sa femme de ménage. Elle l'a écrit dans son journal, dit Christophe. Non, Tu peux lui rendre. Nous n'en avons plus besoin. C'est toi qui vas le lui rendre. Elle va être déçue, Martin. Tant pis. Je lui dirai que nous n'en avons pas eu besoin. Tu es un gentleman, Christophe. Au téléphone, Chantal venait chercher les dernières nouvelles de l'enquête. Christophe eut du plaisir à l'entendre. Il fit durer la conversation, pourtant il savait qu'elle ne remplacerait jamais sa bien-aimée. Il répondit autant qu'il put à toutes ses questions. Après l'aéroport, il faut prévenir la mère du petit garçon que nous allons arrêter le coupable grâce à lui. Nous lui devons bien ça. Oui, je m'en charge. Tu veux vraiment aller voir ce Jean-Paul maintenant que nous tournons le coupable? Il nous a fait poireauter toute une nuit, on y a droit, non? Moi, ça ne me manque pas. Ce n'est pas ton double, c'est le mien. Tu veux que j'y aille seul? Et puis c'est bien toi qui doutes que Marceau soit le coupable, non? Que Denise ait pu lui donner les 40 000 euros. Bon, allons-y. Il y avait un peu de monde dans l'aéroport. Christophe et Martin avaient pris position devant la porte des arrivées pour intercepter Jean-Marc. De grandes baies vitrées leur permettaient de voir les mouvements des avions et le va-et-vient du personnel de l'aéroport. Sans autre occupation que d'attendre, ils rêvaient à leur prochain voyage. Des idées de plages ensoleillées leur venaient. Des gens déambulaient dans tous les sens. La plupart se dirigeaient vers les comptoirs d'enregistrement, majoritairement des familles. Les parents occupés à surveiller des gamins remuant dans une ambiance de départ en vacances, parmi eux, quelques hommes ou femmes d'affaires pressées. Le visage d'une femme qui se dirigeait vers les départs parut familier à Christophe. Il devait se tromper. Il s'attarda davantage sur la silhouette gracieuse d'une belle blonde taille mannequin, tout le contraire de Marie Brune, et légèrement enveloppée. C'était inhabituel pour lui de regarder une femme sans se sentir coupable vis-à-vis de Marie. Il s'était passé quelque chose. Ses discussions avec Martin, le journal de Jean-Marc, Chantal. Avec le recul, il se demandait si son obsession n'était pas pesante pour elle. Elle aurait aimé savoir ce qu'elle aurait écrit de leur relation dans un journal intime. Puis il se sentit coupable de telles pensées. En réalité, Marie ignorait tout de ses rêveries incessantes. Toute cette intimité se développait en lui. Il fit le parallèle avec Jean-Marc. Il avait l'intention d'établir un contact avec lui dans le but d'évoquer ses questions. Il espérait y parvenir. Il faudrait le mettre en confiance et ouvrir une franche discussion entre rêveurs. Christophe songeait quelquefois à en finir, à sortir définitivement de ce monde de rêveurs. Il voulait ressembler à Martin ou Christian. Il ne voulait pas devenir comme Jean-Marc. Marie n'y était pour rien. Elle n'avait rien demandé et ne se doutait peut-être même pas de l'adoration de Christophe. S'il qualifiait d'adoration ses sentiments envers Marie, comment pouvait-il qualifier ceux de Jean-Marc envers Denise? Idolâtrie? Cette idée le fit sourire. Des passagers débarquèrent par paquets, filant vers les taxis, vers l'ascenseur ou cherchant la personne qui les attendait, tirant une valise à roulettes ou un enfant à la main. Les yeux et le maquillage fatigués. La porte d'arrivée se referma. Le calme revint avant la fournée suivante. Tout y sera identique, comme s'il s'agissait de remake et de sosie. Rythme, groupe, mimique, balise, etc. Parmi eux, ils allaient enfin voir le fameux Jean-Marc, l'homme transparent. Marie Solange arriva à ce moment-là, et Christophe le devina dans les yeux de Martin, avant de la voir. Cette réaction de son ami lui fit plaisir. Tout se déroulait au mieux aujourd'hui. Et le téléphone de Christophe sonna. Oui, qui? Marchand? Quand? Je te rappelle, je fonce. Christophe raccrocha. C'était Graziani, il arrive. Marchand vient d'arriver à l'aéroport. Il poursuit sans doute Marceau. Il ne devait pas se déplacer aujourd'hui d'après Patricia. Impossible, nous les aurions vus. Je fonce à l'embarquement. Fais bloquer les départs si les passagers sont embarqués. Marie Solange, vous interceptez Jean-Marc. Viens, Martin, on cherche Marchand et Marceau. Christophe courait vers les comptoirs d'enregistrement. Il y avait beaucoup de monde. Ils fouillèrent tous les recoins de l'aéroport. Graziani et son équipe venaient de les rejoindre. Tous ensemble, ils semèrent une belle pagaille. Pas de traces des deux hommes, ni dans l'aéroport, ni dans la liste de passagers des avions qui avaient décollé. Il a dû vous voir effiler, s'agaça Graziani. S'il avait été là, nous l'aurions vu nous-mêmes, suggéra Martin. Et Marchand, il est où celui-là? On ne l'a pas vu non plus, constata Christophe, amer. Nous avons localisé sa voiture dans le parking. C'est pour cela que je vous ai appelé, et la voiture de Marchand n'était plus là. Il est parti de l'aéroport en direction de la mer. Il a rangé sa voiture en bordure de la forêt. Le mouchard est stable, Il ne bouge pas. Une de nos voitures est partie. Pourvu qu'il n'ait pas intercepté Marceau. Encore heureux qu'on ait pensé aussi à surveiller Marchand. On fonce ! Ordonna Graziani. Christophe et Martin se retrouvèrent seuls. Martin consulta son portable. Marie-Solange aurait dû me contacter. Ah, la voilà. Pas de traces de Jean-Marc. Elle avait consulté la liste des voyageurs. Il ne s'était pas présenté à l'embarquement. C'est une journée sans, mon pauvre Christophe, tenta d'ironiser Martin. Il reprit la voiture, penaud. Christophe déposa Marie-Solange près de chez elle et ils se rendirent rue Graham Green. Christophe allant voir Trimmer et Martin, la mère du petit garçon. Il devait se retrouver au commissariat après. Qu'allait-il se passer en cette fin d'après-midi quand il retrouverait Marie? Il se posait toujours les mêmes questions. Mais là, tout de suite, il n'en avait plus envie. Il ne s'agissait pas de savoir si elle tenait encore à lui, si elle se lassait, si elle avait fait un effort particulier pour s'habiller de façon sensuelle, si elle avait choisi le parfum de leur première fois, si elle aurait plus de temps que la semaine précédente, comment ils allaient faire l'amour, s'ils trouveraient de nouvelles caresses, de nouveaux mots, une nouvelle tendresse, s'ils seraient à la hauteur. Non, il se demandait s'il ne dépendait pas trop d'elle, s'il était devenu un pantin ou son esclave, si elle ne le conduisait pas à vivre une semaine ordinaire en l'attendant d'une soirée d'extase. Le doute l'envahissait, l'angoisse le surprenait. Il aurait voulu chasser ses questions et retrouver les anciennes, celles avec lesquelles il se sentait si bien, si heureux, celles de ses rêves les plus radieux. C'était à chaque fois comme ça, un dernier doute, avant leur rencontre, la boule qu'elle l'accompagnait les dernières heures. Une fois Christophe arrivé au commissariat, Graziani le mit au courant. Ils avaient retrouvé Marchand à gare près de sa voiture et le cadavre de Marceau gisant à côté. Il ne l'avait pas reconnu au début. Le mort était déguisé en femme. Marchand leur avait répondu mécaniquement qu'il avait mis Marceau sous surveillance, ainsi que la boîte de striptease, qu'il avait suivi toute l'enquête avec plusieurs détectives privés chargés de les suivre eux aussi discrètement. Il n'avait pas hésité une seconde avant d'abattre Marceau, ne se doutant pas une seule seconde que la belle Denise allait le laisser choir pour son beau médecin. Il l'avait bouclé sans l'interroger davantage, tout était clair. Vengeance, crime passionnel. Patricia avait foncé pour le voir sans succès pour le moment où elle avait contacté leur avocat qui n'allait pas tarder. Les journalistes commençaient à se manifester, mais BG s'en chargeait personnellement avant de rejoindre sa femme. Martin le rejoignit un peu après et Christophe le tint au courant de la fin plutôt lamentable de cette affaire. « Au fait, qu'a dit Trimmer ?» demanda Martin. « Il est assommé. Le sort de Marceau ne l'intéresse pas. Sans doute celui de Marchand ne lui fera non plus ni chaud ni froid. Il est toujours sous le choc de la mort de Denise. Sa vie est brisée. Ses projets sont mal en point. Avant le drame, ils préparaient leur départ dans le sud de la France. Lui prenait une succession dans un cabinet médical. Il s'apprêtait à acheter une maison. Il voulait des enfants. J'ai compris à demi-mot qu'ils ont versé leurs économies sur un compte joint ouvert à Marseille et qu'ils s'apprêtaient à partir avec les 50 000 euros qu'elle avait chez elle. Cela prouve qu'elle ne voulait pas les donner à Marceau. Et c'est donc Trimmer qui a les 100 000 euros qui manquent. Il ne l'a pas dit, mais je pense qu'ils ont été déposés sur le compte joint pour satisfaire l'achat d'une part dans le cabinet médical. C'est ce qu'il appelle leurs économies, bien qu'il ait probablement aussi de l'argent de côté. Que peut-on faire de plus? Faut-il récupérer cet argent? Pour qui? Je ne sais pas. Je vais en parler à Graziani, c'est lui le chef. Mais pourquoi n'avoir pas fait des virements plutôt que de manipuler du liquide? Il a été très clair. Il voulait couper les ponts, en finir avec la vie de Denise, oublier, repartir du bon pied, a-t-il dit. Elle avait décidé de clôturer son compte ici, de mettre à jour ses affaires et solder le passé, et de le rejoindre dans quelque temps. Les chèques, les virements, laissent des traces, supputa Christophe. Le docteur savait-il que Denise donnait de l'argent à Marceau? Je n'ai pas cherché à savoir. À quoi bon? Mais certainement ces 50 000 euros dont il était parfaitement au courant. Et toi, Martin, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé de ton côté. Pour que tu mettes autant de temps pour passer voir cette femme. Ne me dis pas que tu t'es occupé de la mère du petit Thomas alors que tu me disais juste avant que tu étais très attiré par Marie-Solange. C'est compliqué, tu sais. Pas tant que ça, finalement. En fait, ça a pris un peu de temps. Tu veux dire que tu ne t'es pas jeté sur elle en arrivant? Nous avons parlé de son gamin, de Denise, de la vie. Et une chose en entraînant une autre, exactement, elle est si seule. Je ne pouvais pas refuser. Que veux-tu? Je plais. Tu es incorrigible. C'est ainsi que tu m'apprécies, non? Je ne sais pas. Je n'étais pas complètement à ce que je faisais. Je crois que je l'ai déçu. Je suis peut-être finalement amoureux de l'inspecteur stagiaire. En plus, elle m'a dit que c'était mieux entre femmes. Tu te rends compte? Aïe, aïe. Dur, dur pour ton égo. Oh, tu sais, ce sont des choses qui arrivent. Je n'en fais pas un fromage. Je me demande bien qui est sa copine. Tu ne peux pas tout savoir et qu'importe. Tu as raison. La femme de ménage de Denise lui a proposé de travailler 2 mois gratuitement, prétextant que Denise le payait le trimestre d'avance. Belle conscience professionnelle. Il y a sûrement un sous-entendu qui m'échappe dans ce que tu dis. À quelle heure vois-tu, Marie? Je la vois dans 2 heures. Et Chantal? L'enquête est terminée. C'était professionnel. On verra un autre jour. Tu passes la soirée avec Marie Solange, je suppose? Je ne sais pas. Je suis en manque de sommeil. Laisse tomber ton baratin. Pas peur de n'être pas à la hauteur ce soir? Tu sais, ce n'est pas sûr que l'on couche ensemble. Menteur. Bon, j'y vais. À demain. Oui, je te raconte tout et tu ne me dis rien, comme d'habitude. Martin avait finalement appelé Marie Solange et était parti tôt, laissant Christophe désorienté, seul au bureau. Il avait encore du temps et ne tenait pas à se retrouver chez lui à Gamberger. La semaine avait été mouvementée. Marie ne l'avait bien sûr pas quitté, ou si peu, et il se sentait mal à l'approche de leur rencontre hebdomadaire, comme toujours. Il restait quelques points à éclaircir, des détails à régler et l'affaire Doulat serait close. La presse allait peut-être mettre Graziani en exergue, fustigeant les services de police en général pour l'assassinat de Marceau par Marchand. Il décida de faire table rase de tout cela et de ranger son bureau. Au fond d'un tiroir, il mit la main sur une enveloppe Kraft grand format. Il reconnut l'enveloppe que Martin lui avait remise au début de l'enquête après la perquisition chez Doulat et qu'il avait oubliée. Elle contenait différents papiers sans intérêt, des factures et des lettres. À côté se trouvait un cahier à spirale. Sur la première page du cahier, Christophe put lire « Journal de Jean-Marc, ramené par les hommes de Graziani après la perquisition remis par Martin et qu'il avait glissé là. » Il lut les lettres, des lettres annonçant son départ que Denise n'avait pas eu le temps d'envoyer à leur destinataire. Il parcourut rapidement celles pour Marchand, Marceau, Jean-Marc, le petit garçon et la femme de ménage, et s'attarda sur celle à Quentin et un mystérieux amour de jeunesse. Lettre à Quentin. Charles. J'ai décidé de renier la promesse faite à mon père et de cesser de te voir. Ce n'est pas facile pour moi, car je revois encore mon père me demander cela, son désarroi et son soulagement, après ma promesse, promesse renouvelée sur son lit de mort. Mon père a donc parfaitement respecté votre accord, c'est moi et moi seul qui ne le respecte pas, ou plutôt, qui ne le respecte plus, après ces années pendant lesquelles j'ai accepté d'être celle que tu voulais que je sois. J'ai accepté de recommencer quand tu es revenu dans ma vie, mais maintenant c'est terminé, je ne te verrai plus. Je ne serai plus ta poupée, ton jouet qui satisfaisait tous tes fantasmes. Tu sais, tout change, et les condamnations à perpétuité n'existent plus vraiment aujourd'hui en France, alors je considère que ces réformes s'appliquent aussi à ma promesse. Mon père m'avait dit que seule la mort, la mienne ou la tienne, pouvait m'en libérer, mais je décide de remplacer la mort par l'amour, le mien. Pour un homme que j'ai rencontré. Je pense que tu peux comprendre qu'il ne m'est plus possible de te voir et de te satisfaire en étant follement amoureuse. Et je vais faire comme si tu le comprenais. Je n'ai pas d'autre choix, car je ne te reverrai pas. Cette lettre sera la dernière. Je désobéis. Tu as toujours été le premier à obtenir quelque chose de moi, et tu as tout eu, sauf mon cœur et mon âme, qui ne t'ont jamais appartenu. Tu le savais, et cela t'était égal. Ce n'est pas ce que tu voulais de moi, n'est-ce pas? Tu voulais ma jeunesse, puis ma soumission, et tu les as eues. Tu m'as tenu par la main, puis je t'ai tenu par la main, et aujourd'hui nos mains se séparent pour toujours. Et la mienne sera dans celle de celui que j'aime, et la tienne cherchera son salut ailleurs. Depuis le temps que tu parles de te faire soigner, d'essayer de sortir de tes délires qui te rendent malheureux, tu as aujourd'hui l'occasion de le faire. Fais-le, Charles, fais-le. Retrouve ton courage, rassemble tes forces et terrasse cet ennemi de l'intérieur. Je me fais peut-être des illusions, mais j'ai besoin de m'en faire pour me défendre lorsque je penserai à mon père ou lorsque je le reverrai dans mon dernier rêve. Que te dire de plus? Comment t'aider? J'aimerais t'en faire quelque chose en mémoire de mon père, pour être sûr que tu t'en sortes, que mon départ soit ta chance. » Denise. Christophe fut ému de cette première lettre qui confirma ce qu'il avait toujours pensé de Denise. Ma 312e lettre pour toi. Comme à chaque fois, je me dis que c'est la dernière lettre que je vais t'écrire et que je vais ensuite déchirer cette lettre. C'est pour me vider la tête et aussi pour te retrouver, toi, que je n'ai jamais vraiment trouvé. Mais cette fois-ci, c'est la dernière. Alors je dois m'appliquer. Tu le mérites et moi aussi. Voilà. J'ai rencontré l'homme de ma vie, enfin quelqu'un d'autre que toi. L'homme de ma vie en vrai cette fois-ci, pas un souvenir d'adolescente. Cela ne veut pas dire que je regrette que tu étais l'homme de ma vie pendant toutes ces années, non. Sinon je t'aurais écrit ces lettres pour rien. Non, voilà ce que je t'écrivais. Je vais le dire en vrai à quelqu'un avec mes lèvres au lieu de mon stylo. Enfin, je crois que ça va être comme ça. Je voudrais que ce soit comme ça, que je lui parle et qu'ensuite je me sente bien comme avec toi. C'est dommage que je ne t'ai pas envoyé toutes ces lettres. J'aurais su si elles étaient bien pour toi aussi, ou si tu les avais jetées sans même les lire. J'ai toujours essayé de n'être pas trop longue, mais il y a des fois où j'avais plus besoin d'écrire que d'autres, et comme tu ne pouvais pas te plaindre, je n'en faisais qu'à ma tête. Je me souviens de la première, je pleurais en écrivant. Je te disais que tu ne serais pas le premier puisque c'était trop tard, que Charles m'avait eu, que j'avais dû obéir à mon père. J'étais honteuse et désespérée, et t'écrire pour te demander pardon m'avait un peu soulagée. Un peu seulement, car c'était mon rêve qui s'effondrait, un premier amour qui n'en serait jamais un, des souvenirs de choses non vécues. J'avais hésité à sortir avec toi, comme on disait alors, mais j'avais trop honte de n'être plus vierge, d'être à lui à chaque fois qu'il le voulait. Comment aurais-je pu te regarder, te donner mes lèvres en sachant que le soir même, il viendrait sur moi dans mon lit? Alors j'ai renoncé à toi. Et tu m'as oublié aussi, après quelques tentatives qui m'ont rendue si heureuse. Tu n'imagines pas comme tes petits mots m'ont ému. Je les ai gardés depuis tout ce temps et je les relis avant de t'écrire, pour me donner le courage de te dire ce que je dois te dire de ma vie. Je me suis juré qu'il n'arriverait pas à nous séparer tout à fait, qu'il resterait toujours quelque chose de fort entre nous. Tu te souviens de toutes ces lettres où je te recherchais, après qu'il soit parti dans tous ces pays lointains? Et il n'est revenu qu'il y a 6 mois, comme je te l'avais annoncé, tu t'en souviens? Si je t'avais retrouvé alors, il me semblait que j'aurais eu la force de tout quitter pour toi, d'oublier mes serments de me délivrer du mal, d'essayer de trouver le bonheur avec toi. Mais toi aussi, tu étais parti, et j'avais été assez bête pour ne pas savoir où. Je m'étais dit que mon destin était d'obéir à mon père et d'être à Charles en premier. Toi, tu ne pouvais pas passer en second, mais peu à peu, je me suis dit que les autres pouvaient passer après, que je n'avais pas juré fidélité, qu'à défaut du bonheur, je pouvais rechercher le plaisir. Tu sais que c'est ce que j'ai fait. Je ne t'ai rien caché de ces dernières années avec les hommes, et même depuis avec les femmes. Tu as connu le nom de tous mes amants, comment ils étaient avec moi, ce que nous faisions ensemble, ce que je pensais d'eux, pourquoi je les gardais ou pourquoi je les quittais. Et tu connais la liste d'aujourd'hui, enfin, à une exception près. Et c'est là toute la différence dont je t'ai parlé au début de la lettre. Celui-là, tu n'en sauras pas son nom. Je me le garde pour moi seul. Je peux faire cela parce que je ne serai plus à Charles, plus jamais. Et je ne serai plus non plus à toi. Il avait mon corps, tu avais mon cœur. Je reprends tout, voilà. Je les remets ensemble pour lui, pour toujours. Tu sais, je suis heureuse d'avoir déchiré toutes ces lettres pour toi, comme cela. J'ai l'espoir d'oublier plus vite tout ce que j'écrivais, tous ces noms, toutes ces choses, à la fois celles que je faisais avec eux et celles que je faisais avec toi pour les effacer, nos jeux, nos promesses, enfin, les jeux que j'inventais et que je jouais pour toi et les promesses que je te faisais. Il ne m'en reste plus qu'une, celle de m'occuper du petit garçon de la voisine. C'est une promesse que j'ai adorée, mais que je ne peux plus tenir, enfin, je ne crois pas, mais si je peux, je continuerai à la tenir encore. Ce sera pour lui, et ce sera pour toi, notre dernier partage. Un petit bout de cœur encore pour toi, bien caché même de moi. Tu sais que je n'ai pas voulu garder de photos de toi pour oublier ton visage. Et je l'ai oublié. Tu sais que je n'ai pas gardé ces messages que tu m'avais envoyés sur le téléphone de mon ami, ceux que j'avais enregistrés pour entendre ta voix, et j'ai oublié ta voix. Tu sais que je n'ai pas gardé cette mèche de cheveux que tu m'avais donnée. Et il me reste que tes petits mots que je vais déchirer, plus de traces ainsi de notre petit bout d'histoire, enfin, tout petit pour toi, pas si petit pour moi. J'aurais quand même bien aimé connaître le goût de tes lèvres. Adieu, toi. » Ainsi Denise avait renoncé à l'amour avec un grand A, depuis son adolescence et son premier chagrin. Elle avait consacré sa tendresse aux hommes qu'elle avait besoin jusqu'au coup de foudre avec Trimmer. Sa vie allait basculer de nouveau sans ce salaud de Marceau. Le bonheur est si difficile à atteindre et ensuite, il est si fragile. Christophe sentait le besoin de passer à autre chose, même s'il redoutait que ce soit pire. À l'intérieur du cahier à spirale de Jean-Marc, il découvrit une écriture tourmentée à la limite de la lisibilité et commença à lire. « J'ai encore changé le titre du roman que je veux commencer sur elle. Il s'appellera « Autopsie d'un chagrin d'amour ». Ça sonne bien. J'ai l'impression que ça représente ce que j'ai envie d'écrire. Toutes les idées, toutes les images vont se poser maintenant sur mon carnet, comme la rosée du matin sur les fleurs. Comment réagirais-je si ma relation avec Marie cessait? Je vivrais un chagrin d'amour, un immense chagrin d'amour. Une thérapie serait-elle la solution pour me donner envie de vivre encore? Peut-être. Il faudra y réfléchir. Sûrement j'aurai besoin d'aide pour m'en sortir. Écrire des poésies à mon âge, est-ce bien normal? À 18 ans, c'est naturel. On rêve à cet âge-là, mais moi. Bon sang, comment interpréter ce besoin? Je devrais vivre dans la réalité maintenant, les pieds cloués à terre, comme mes semblables. Au lieu de cela, je divague, je rime. Quand donc vais-je devenir adulte? Une seconde avant ma mort, peut-être? Cette écriture, ce rythme et ces doutes me sont familiers. Ces pensées sont aussi les miennes. Moi aussi, je noircis des pages de poèmes, moins qu'autrefois, certes. Dans ma jeunesse, c'était plus laborieux, plus douloureux, mais le résultat autrement satisfaisant. Je suis le clandestin de vos plus beaux voyages, dans le temps, dans l'espace, mais vous brouillez vos traces, chaque fois juste pour me punir. Je suis le sale espion de tout vos gaspillages, vos gras et jours de fête, mais vous jetez vos miettes, chaque fois juste pour me punir. Je suis le fossoyeur de vos fins de tendresse, longs ébats, tendres drames, mais vous séchez vos larmes. Chaque fois, juste pour me punir. Juste pour me punir de n'être que votre ombre, forme noire qui a froid et qui rampe à vos pieds. Touché, Christophe le relut plusieurs fois, voulut l'apprendre, le copier, hésita, n'osa le faire. Il se sentait très proche, trop proche. Cette intimité l'inquiéta. Devait-il continuer la découverte de ce journal? Jean-Marc lui ressemblait tellement. Lorsque tu seras vieille et que les autres ne voudront plus de toi, je pourrai enfin vivre avec toi, lire ta beauté et la passion de la vie dans tes yeux. Je laisserai exploser ma tendresse, contenue pendant tant d'années. Nous ne ferons pas l'amour, nous serons trop vieux, mais nous nous aimerons quand même avec d'autres gestes, d'autres regards, d'autres mots que je n'imagine pas aujourd'hui. Ce sera la jeunesse d'un vieil amour. Oh oui, Marie, quand nous serons vieux. Oui, Marie, nous serons toujours ensemble. Je n'ai pas eu ton enfance, ton adolescence et ta jeunesse. Laisse-moi profiter de ta maturité et de ta vieillesse, ma chérie. Mes lèvres sont sèches, si sèches. J'ai beau les mouiller, les laver, les humecter avec ma langue, rien n'y fait. J'ai peur qu'elles soient très malades, peut-être mortelles, parce qu'elles n'ont plus personne à embrasser. Il faut que je te revoie vite, c'est urgent. Il y a danger de mort de mes lèvres. Oui, ça commence comme ça, par plus personne à embrasser. Après, ce sont les yeux qui n'ont plus de larmes parce qu'il n'y a plus personne à pleurer. Après, c'est le sang qui manque au cœur quand il n'y a plus personne à aimer. Marie, tes lèvres sont toujours humides. Bois-tu l'eau de la source d'amour? C'est une merveilleuse sensation de goûter tes lèvres. Je n'étais pas adroit pour embrasser. Pourtant, à 17 ans, j'avais eu une expérience avec une Anglaise, un baiser extraordinaire, inoubliable, que je n'ai jamais retrouvé. Je garderai en mémoire pour toujours l'intensité et la douceur des langues entremêlées, la saveur inoubliable du baiser de Lynn. Personne ne peut imaginer ce que mes visites à Denise représentent. Je suis comme une voiture en panne sèche et qui passe à la pompe à essence. Ce n'est pas romantique, mais c'est simplement indispensable pour continuer la route. Denise m'apporte un plaisir intense, fait de tendresse et d'abandon. Son intérêt n'est peut-être pas très spontané. Elle joue un peu la comédie, mais je suis bon public avec celle que j'aime tant. Elle m'aime un peu chaque mois à mon tour, et cet amour remplit ma vie. Ma vie est si petite à l'extérieur, mais si grande à l'intérieur. Eux, ils ne s'en doutent pas. Pour eux, je suis un meuble, une chose qui est là et qui ne sert à rien. Je m'en fiche, je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai besoin que de Denise. Avant, il y avait Luce, et c'était la même chose. J'ai besoin d'une muse, d'une lumière, d'un soleil et de paupières qui protègent ma vie, mon âme, mon cœur. Denise ne sait pas, et c'est tant mieux, elle pourrait s'effrayer. Pour elle, je suis un pauvre type qu'elle consent voir une fois par mois. Si elle me donne des miettes, au moins elle m'en donne, pas comme dans mon poème ou dans ma vie. Curieux comme ce Jean-Marc me ressemble. Nos points communs sont frappants. Son repli sur soi est très prononcé. J'ai un métier, des amis, quelques-uns, au moins. Pourquoi Jean-Marc est-il si seul? Deviendrai-je comme lui? Est-ce mon destin? Quand j'ai la sensibilité à fleur de peau, j'ai toujours l'espoir de rencontrer une femme qui me donne le sublime désir de la capter tout entière. Je voudrais pleurer, comme quand j'étais petit. Faire couler sans effort mes larmes sur mes joues et me débarrasser des flots de tristesse qui engorgent mon cœur. Seulement voilà, je ne sais plus pleurer. Alors il faut que je trouve autre chose pour me débarrasser de ma tristesse. Voir des gens plus malheureux, voyager pour changer d'horizon, jouer pour oublier, écrire pour exister. En ce moment, j'écris dans ce carnet, mais j'écris aussi mon roman. Pas d'introspection, ce sera pour plus tard, quand je serai encore plus seul, encore plus triste. Ce sera le remède ultime pour me débarrasser de cet amour qui envahit ma vie. Je sais que je devrais réagir autrement. Il y a des jours où j'en ai envie. La plupart du temps, je me dis que c'est mon destin, que je suis sur terre pour cela. Je suis tapis dans l'ombre de sa vie et je m'y sens bien, à l'abri, au chaud. Des cheveux coupés pour abandonner des millions de petits morceaux de bonheur dont tu ne veux plus, ou pour éliminer des témoins gênants de coupables extases. Aujourd'hui, tu n'avais pas le même parfum que d'habitude, sans doute celui que tu mets pour un autre, et ça m'a tellement gêné. Cet autre m'a pris un peu de toi, de la petite partie à laquelle j'ai accès, sans doute sans le savoir, mais cela ne l'excuse pas, à mes yeux. C'est un parfum sensuel, un parfum de séductrice. Tu n'en as pas besoin avec moi qui suis à tes pieds en permanence, même si tu ne m'y vois pas. En plus de tes cheveux coupés et de ce parfum de l'autre, tu avais d'autres sous-vêtements, plus sensuels aussi. Et j'ai compris que tu t'étais trompé, que ce n'était pas moi que tu attendais. Si j'avais encore quelques illusions au fond de ma cachette, je devrais les avoir perdues maintenant. Je t'aurais voulu comme avant, avec tes cheveux longs, mon parfum et ta culotte en coton. Marie porte ses cheveux courts, des cheveux presque noirs, teints. Associés à ses yeux bleus, ils la rendent irrésistible. Je suis jaloux. Pas des autres hommes à qui elle donne son corps. Ils sont trop nombreux et donc ne comptent pas. Non, je suis jaloux de son miroir qui peut la contempler tous les matins et tous les soirs, de son bol de café que ses lèvres caressent, de l'eau de sa douche qui glisse sur son corps, de son fauteuil qui la prend si souvent sur ses genoux, de sa brosse à cheveux, de son gant de toilette, de son parfum, de ses sous-vêtements, du vent qui la décoiffe, de tout ce qui la touche et de tout ce qu'elle regarde. Je regrette de n'avoir pas écrit ces mots de jaloux, je les ai pensés si fort, si souvent. Peut-être l'ai-je fait, et j'ai oublié, ils m'appartiennent. Si j'étais auteur-compositeur, je ferais une chanson, la valse des mots doux. Je choisirais quelques notes, et des croches que je mélangerais avec les mots bijoux que je garde précieusement dans mon coffre. Et puis, je chanterais ma chanson à celle que j'aime. J'avais envie d'écrire des poèmes à Marie, et j'ai eu peur qu'elle me trouve ridicule. J'avais tort de ne prendre aucun risque avec elle, oh oui, j'avais sûrement tort. Si j'étais assez grand, je prendrais Dieu par son col de chemise et je le tirerais vers toi pour que son souffle te réchauffe ou sèche tes cheveux, pour que tu puisses boire l'eau de vie de ses yeux. Reste, mon amour, Ton souffle fait battre mon cœur. Reste, je t'en prie. Tu as raison, bien sûr, mais oublie le monde, essaye. Oui, c'est facile pour moi, il n'existe pas. Reste, mon amour. Ton ombre est mon soleil. Reste, je t'en prie. Tu t'ennuies, bien sûr, je n'ai rien à te dire. Parle, chante, ris. Je veux te regarder vivre, t'écouter vivre, te sentir vivre. Reste, mon amour, ta vie est ma vie, reste, je t'en prie, veille ma mort. Quel désespoir! Jean-Marc, tu es possédé et désespéré, tu es comme un frère, Jean-Marc. Ta souffrance est aussi la mienne. Peut-on rêver autant sans disparaître? Je sais que je suis proche du rêve absolu. Je n'aurai bientôt plus besoin de te voir pour être avec toi, pour toujours. Tu seras en moi, dans ma tête, dans mon corps. Nos vies seront liées à jamais. Je sens ce moment arriver, ce grand moment où je serai enfin libéré pour n'être qu'avec toi. Tu ne t'en doutes pas, mais un passager prêt à s'embarquer, un clandestin. Le bonheur est proche, le bonheur de ce rêve absolu. Cela le fit frissonner, l'effraya. J'étais fixé sur le 11, j'étais fixé depuis près d'un mois. Je ne prenais pas de place, juste un prénom gribouillé sur une feuille et collé sur le 11, mais écrit par ta main. Tu l'as peut-être oublié après l'avoir écrit, mais moi, il ne m'a pas quitté ni le jour ni la nuit. Et puis, un peu avant ce jour béni, tu as déchiré le feuillet et tu nous as jetés. Il prit le cahier avec lui et rentra pour se préparer pour son rendez-vous. Il devait encore se doucher, se raser, se changer. Il avait préparé sa tenue comme à chaque fois, après avoir longuement hésité. Il était à la fois tendu et heureux. Il avait son rituel. Il le suivit sans dévier pour ne pas prendre le moindre risque. Les heures à venir étaient sacrées. Il les attendait depuis une semaine.